Fandango du Pays Basque. Fandango simple et fantasque. C'est grâce à toi que l'on fait des folies qui sont bien les meilleures de la vie. Et combien de mariages on a vu dans le village. Sur tes accents si joyeux, si vibrants, et ton rythme qu'on a dans le sang. Fandango, fandango, rythme tous les bravos, et répète l'écho de Sarabibao. C'est le chant des oiseaux, c'est le chant du ruisseau, c'est le chant de l'amour, fandango. Les années de Annie Ernaux. Adaptation Sophie Lem. Avec Ludmila Michael et Jacques Gamblin. Deuxième émission. La photo floue et abîmée d'une petite fille debout devant une barrière, sur un pont. Elle a des cheveux courts, des cuisses menues et des genoux proéminents. À cause du soleil, elle a mis sa main au-dessus des yeux. Elle rit. Au dos, il y a écrit « Ginette 1937 ». Sur sa tombe, décédée à l'âge de 6 ans le jeudi saint 1938. C'est la sœur aînée de la fillette sur la plage de Sotteville-sur-Mer. Montagne d'Italie, souvenir dans ma vie, farandoles et chansons tyroliennes qui s'égrènent dans la plaine. Je n'oublierai jamais ce clocher qui chantait, carillon que les gars des montagnes accompagnent d'un bouquet. Et tous les amoureux, mes amis étaient joyeux. Je me souviens encore du soleil au ciel tout bleu. Les oiseaux chantaient dans le feuillage. Mariage au village. Elle lui donnait le bras en sortant de la mairie. Et lui était heureux de l'aimer pour toute la vie. Leur amour est né près des nuages, des montagnes d'Italie. Je n'oublierai jamais ce clocher qui chantait, carillon que les gars des montagnes accompagnent d'un bouquet. La-di-o-di-o-di-o-di-o-di-o-di, chante montagnard, il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard. La-di-o-di-o-di-o-di-o-di, chante les beaux jours, chante pour toujours. La chanson de ton amour, la chanson de ton amour. La France était immense et composée de populations distinctes par leur nourriture et leur façon de parler. Arpentée en juillet par les coureurs du Tour dont on suivait les étapes sur la carte Michelin punaisée au mur de la cuisine. La plupart des vies se déroulaient dans le même périmètre d'une cinquantaine de kilomètres. Quand s'élevait à l'église le grondement vainqueur du cantique « Chez nous, soyez reine », on savait que « chez nous » désignait là où l'on habitait, la ville, au plus le département. L'exotisme commençait à la grande ville la plus proche. Le reste du monde était irréel. Paris représentait la beauté et la puissance, une totalité mystérieuse, effrayante, dont chaque rue figurant dans un journal ou citée par la réclame, boulevard Barbès, rue Gazan, Jean Mineur, 116 avenue des Champs-Élysées, excitait l'imagination. Les gens qui y avaient vécu ou qui s'y étaient seulement rendus en excursion avaient vu la tour Eiffel était auréolée de supériorité. Les chansons évoquant les régions inconnues, le Midi, les Pyrénées, les fandangos du Pays Basque, montagnes d'Italie, Mexico, donnaient du désir. Dans les nuages du couchant bordés de roses, on voyait des maharajas et des palais indiens. On se plaignait aux parents, « On ne va jamais nulle part !» Ils répondaient avec étonnement. « Où veux-tu aller ? Tu n'es pas bien là où tu es ?» C'est aujourd'hui qu'on s'amuse à Marseille. Le grand Titaigne vient de se marier. Sur le vieux port, que Midi ensoleille, tous les amis sont venus se grouper dans la mairie. Ce bon monsieur le maire, aux invités, a fait un beau discours. Il a tant mis de chaleur à le faire que tous ont soif et chantent avec humour. C'est le mariage de Titaigne. Tout ce qui se trouvait dans les maisons avait été acheté avant la guerre. Les casseroles étaient noircies, démanchées, les cuvettes désémaillées, les brocs percés colmatés avec des pastilles vissées dans le trou. Les manteaux étaient retapés, les cols de chemise retournés, les vêtements du dimanche passés au tous les jours. Qu'on n'arrête pas de grandir, désespéraient les mères, obligées de rallonger les robes d'une bande de tissu, d'acheter des chaussures, une pointure au-dessus, trop petite un an après. Tout devait faire de l'usage, le plumier, la boîte de peinture le franc et le paquet de petits beurre lus. Les seaux de nuit servaient d'engrais au jardin. Le crottin ramassé dans la rue après le passage d'un cheval à l'entretien des pots de fleurs. Le journal a enveloppé les légumes, séché l'intérieur des chaussures mouillées, s'essuyer au cabinet. On vivait dans la rareté de tout. Des objets, des images, des distractions, des explications de soi et du monde, limitées au catéchisme et au sermon de carême du père Riquet, aux dernières nouvelles de demain proférées par la grosse voix de Geneviève Tabouille, aux récits des femmes racontant leur vie et celle de leurs voisins l'après-midi autour d'un verre de café. Les enfants croyaient longtemps au Père Noël et au bébé trouvé dans une rose ou un chou. Les gens se déplaçaient à pied ou à bicyclette d'un mouvement régulier, les hommes les genoux écartés, le bas du pantalon resserré par des pinces, les femmes les fesses contenues dans la jupe tendue, traçant des lignes fluides dans la tranquillité des rues. Le silence était le fond des choses et le vélo mesurait la vitesse de la vie. On vivait dans la proximité de la merde. Elle faisait rire. Il ne faut pas tuer les hirondelles, c'est un oiseau très utile. Car elles attrapent d'un coup d'aile les petits insectes nuisibles. Je sais qu'elles font sur les fenêtres des choses pas très propres peut-être. Mais pardonnez-leur, tout cela n'est rien auprès de ce que fait un humain. Cui-cui, cui-cui, cui-cui, cui-cui, regardez-la passer par là. Cui-cui, cui-cui, cui-cui, cui-cui, elle voudrait bien qu'on la tue pas. Un brave soldat pendant une triste. Les garçons et les filles étaient partout séparés. Les garçons, être bruyants, sans larmes, toujours prêts à lancer quelque chose, cailloux, marrons, pétards, boules de neige dures, disaient des gros mots, lisaient Tarzan et Bibi Fricotin. Les filles, qui en avaient peur, étaient enjointes de ne pas les imiter, de préférer les jeux calmes. La ronde, la marelle, la bague d'or. Les jeudis, en hiver, elle faisait la classe à des vieux boutons ou des figurines découpées dans l'écho de la mode, disposées sur la table de la cuisine. Encouragées par les mères et l'école, elles étaient rapporteuses. « Je vais le dire » constituait leur menace favorite. Elles rêvaient d'avoir des seins et des poils, une serviette avec du sang dans leur culotte. En attendant, elles lisaient les albums de Bécassine et les patins d'argent de Pégistal, en famille d'Hector Malot. Elles allaient au cinéma avec l'école voir M. Vincent, le grand cirque et la bataille du rail, qui élevait l'âme et le courage, refoulait les mauvaises pensées. Mais elles savaient que la réalité et l'avenir se trouvaient dans les films de Martine Carole. Les journaux dont les titres « Nous deux »,« Confidence » et « Intimité » annonçaient la désirable et interdite impudicité. Un petit train s'en va dans la campagne, un petit train s'en va de bon matin, on le voit filer vers la montagne, tchitchifou, tchitchifou, plein d'entrain. Dans les prés, il y a toujours des vaches. Le progrès était l'horizon des existences. Il signifiait le bien-être, la santé des enfants, les maisons lumineuses et les rues éclairées, le savoir, tout ce qui tournait le dos aux choses noires de la campagne et à la guerre. Il était dans le plastique et le formica, les antibiotiques et les indemnités de la sécurité sociale, l'eau courante sur l'évier et le tout à l'égout, les colonies de vacances, la continuation des études et l'atome. On disait à l'envi, comme une preuve d'intelligence et d'ouverture d'esprit, « Il faut être de son temps. » Les parents affirmaient, « Les jeunes en sauront plus que nous. » Et là, s'il y a des gens qui trouvent que c'est exagéré de donner tant d'argent pour qu'un petit train aille se promener, alors ils lui ont dit... Dans la réalité, l'exiguïté des logements obligeait les enfants et les parents, les frères et les sœurs, à dormir dans la même chambre. La toilette continuait de se faire dans une cuvette, les besoins dans des cabinets au dehors. Les serviettes hygiéniques en tissu éponge dégorgeaient leur sang dans un seau d'eau froide. Les rhumes et les bronchites des enfants se dégageaient avec des cataplasmes à la farine de moutarde. Les parents soignaient leur grippe à l'aspro avec un grog. Les hommes pissaient en plein jour le long des murs. Et les études suscitaient la méfiance, la crainte que par une sanction obscure, un retournement punitif pour avoir voulu monter trop haut, elles rendent dingo. Des dents manquaient dans toutes les bouches. L'époque, disaient les gens, n'est pas la même pour tout le monde. Le cours des jours ne bougeait pas. Au printemps revenaient les communions, la fête de la jeunesse et la kermesse paroissiale, le cirque Pindare, et les éléphants de la parade bouchaient d'un seul coup la rue de leur immensité grise. En juillet, le Tour de France qu'on écoutait à la radio. À l'automne, les manèges et les baraques d'attractions de la fête foraine. La religion était le cadre officiel de la vie et réglait le temps. On ne mangeait pas de viande le vendredi. La messe du dimanche demeurait une occasion de changer de linge et traîner un vêtement, mettre un chapeau, un sac et des gants, voir des gens et être vu, suivre des yeux les enfants de cœur. Pour tout le monde, un signe extérieur de moralité et la certitude d'un destin s'écrivant dans une langue particulière, le latin. La religion seule était à la source de la morale, conférait la dignité humaine sans laquelle la vie ressemblait à celle des chiens. La religion catholique seulement, les autres étant erronées ou ridicules. On attendait avec impatience la communion solennelle, préalable glorieux de tout ce qui allait arriver d'important, les règles, le certificat d'études ou l'entrée en sixième. Après avoir tonné d'une seule voix aux vêpres, « Je renonce aux démons et je m'attache à Jésus pour toujours », on pouvait se dispenser ensuite des pratiques religieuses, adoubés chrétiens, munis du bagage nécessaire et suffisant pour se sentir intégré dans la communauté dominante et être certain qu'il y a sûrement quelque chose après la mort. Tout le monde savait distinguer ce qui se fait de ce qui ne se fait pas, le bien du mal, les valeurs étaient lisibles dans le regard des autres sur soi. À l'habillement, on distinguait les petites filles des adolescentes, les adolescentes des jeunes filles, les jeunes filles des jeunes femmes, les mères des grands-mères, les ouvriers des commerçants et des bureaucrates. Public, privé, l'école se ressemblait. Lieu de transmission d'un savoir immuable dans le silence, l'ordre et le respect des hiérarchies, la soumission absolue. Porter une blouse, se mettre en rang à la cloche, se lever à l'entrée de la directrice mais non d'une surveillante, se munir de cahiers, plumes et crayons réglementaires, ne pas répondre aux observations, ne pas mettre en hiver un pantalon sans une jupe par-dessus. Le droit de poser des questions n'appartenait qu'au professeur. Les programmes ne changeaient pas. Le médecin malgré lui en sixième, les fourberies de Scapin, les plaideurs et les pauvres gens en cinquième, le CID en quatrième, etc. Ni les manuels. Mallet Isaac pour l'histoire, De Mangeon la géographie, Carpentier Fialip l'anglais. Ce bloc de connaissances était délivré à une minorité. Conforté d'année en année dans son intelligence et son élévation, de Rosa Rosam à Rome l'unique objet de mon ressentiment, en passant par la relation de Charles et la trigonométrie. Au lieu que le plus grand nombre continuait à faire des problèmes de train et du calcul mental, à chanter la Marseillaise pour l'oral du certificat. Avoir celui-ci ou le brevet était un événement, salué dans les journaux qui publiaient les noms des lauréats. Le travail, l'effort et la volonté évaluaient les comportements. Le jour des prix, on recevait des livres exaltant l'héroïsme des pionniers de l'aviation, des généraux et des colonisateurs, Mermoz, Leclerc, Delattre de Tassigny, Lyautey. Le courage quotidien n'était pas oublié, il fallait admirer le père de famille, cet aventurier du monde moderne, Peggy, la vie humble aux travaux ennuyeux et faciles, Verlaine, commenter en rédaction des sentences de Georges Duhamel et de Saint-Exupéry, la leçon d'énergie des héros de Corneille, montrer comment l'amour de la famille conduit à l'amour de la patrie et que le travail éloigne de nous trois grands maux, l'ennui, le vice et le besoin, Voltaire. On lisait Vaillant et Âme vaillante. Pour fortifier la jeunesse dans cet idéal et l'endurcir physiquement, la maintenir à l'écart des pièges de la paresse et des activités débilitantes, la lecture et le cinéma, il était conseillé aux familles d'envoyer leurs enfants au Louveteau, Pionnier, Guides et Jeannette, Croisés, Francs et Franches camarades. Au-dessous de l'idéal s'étendait, on le savait, un territoire informe, gluant, contenant des mots et des objets, des images et des comportements. Les filles mères, la traite des blanches, les affiches du film Caroline Chéri, les capotes anglaises, les mystérieuses publicités pour l'hygiène intime discrétion assurée, les enfants de l'amour, les attentats à la pudeur, l'adultère, les mots lesbiennes pédérastes, la volupté, les fautes inavouables à confesse, les fausses couches, les vilaines manières, les livres à l'index, l'union libre. À l'infini, une somme de choses innommables que les adultes seuls étaient censés savoir, se ramenant tout aux organes génitaux et à leur usage. Le sexe était le grand soupçon de la société qui envoyait les signes partout, dans les décolletés, les jupes étroites, le vernis à ongles rouges, les sous-vêtements noirs, le bikini, la mixité, l'obscurité des salles de cinéma, les toilettes publiques, les muscles de Tarzan, les femmes qui fument et croisent les jambes, le geste de se toucher les cheveux en classe, etc. Il était le premier critère d'évaluation des filles, les départageait en « comme il faut » et « mauvais genre ». La cote de moralité affichée à la porte de l'église pour les films de la semaine ne concernait que lui. Mais on déjouait la surveillance. On allait voir Manina, la fille sans voile, La rage au corps, avec Françoise Arnoul. On aurait voulu ressembler aux héroïnes, avoir la liberté de se comporter comme elles. Mais entre les livres, les films et les injonctions de la société s'étendait l'espace de l'interdiction et du jugement moral. On n'avait pas le droit à l'identification. Dans ces conditions, elles étaient interminables, les années de masturbation avant la permission de faire l'amour dans le mariage. Il fallait vivre avec l'envie de cette jouissance qu'on croyait réservée aux adultes et qui réclamait d'être satisfaite coûte que coûte, en dépit de toutes les tentatives de diversion, les prières, en portant un secret qui rangeait parmi les pervers, les hystériques et les putains. Dans le lit ou les WC, on se masturbait sous le regard de la société entière. La vie est là, qui vous prend par le bras, oh là là là, c'est magnifique, des jours tout bleus, des baisers lumineux. C'était Les années de Annie Ernaux. Adaptation Sophie Lemp. Deuxième émission avec Ludmila Mikael et Jacques Gamblin, et les voix de Yolande Folliot, Christiane Millet, Jean-Claude Sachaud. Prise de son et mixage, Philippe Carminati. Assistance technique et montage, Mathieu Leroux. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Étienne Vallès. C'est magnifique, des nuits d'amour qui durent qu'un à cinq jours, oh là là là, mais c'est magnifique, je vais voir Paris, retrouver ses amis, c'est magnifique. La la la, c'est magnifique. Les années de Annie Ernaux est publiée aux éditions Gallimard.